c'est facile de faire ce que tu veux. Pouvoir vivre en liberté sans rien qui puisse te gêner. Tu voudrais faire n'importe quoi sans avoir à obéir aux lois. Mais le plus important, être limité par l'argent. Il serait peut-être temps de agir, de changer d'esprit, de mûrir. À 18 ans, il serait peut-être temps de considérer les choses réellement. C'est aussi la faute de tes parents, qui sont toujours un peu trop collants. Mais tu pourrais leur faire comprendre que les décisions, c'est toi de les prendre. Rendrait